Ézéchiel chapitre 29. La dixième année, au douzième jour du dixième mois, la parole de l'Éternel me fut adressée, en disant, « Fils d'homme, tourne ta face contre Pharaon, roi d'Égypte, et prophétise contre lui, et contre toute l'Égypte. Parle, et dis, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, voici, j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grande baleine couchée au milieu de tes bras d'eau, qui a dit, mes bras d'eau sont à moi, et je me les suis fait. C'est pourquoi je mettrai des crocs dans tes mâchoires, et je ferai attacher à tes écailles les poissons de tes bras d'eau, et je te tirerai hors de tes bras d'eau, avec tous les poissons de tes bras d'eau, qui auront été attachés à tes écailles. Et t'ayant tiré dans le désert, je te laisserai là, toi, et tous les poissons de tes bras d'eau, tu seras étendu sur le dessus de la campagne, tu ne seras point recueilli ni ramassé. Je t'ai livré aux bêtes de la terre, et aux oiseaux des cieux, pour en être dévoré. Et tous les habitants d'Égypte, sauront que je suis l'Éternel, parce qu'ils auront été à la maison d'Israël, un bâton qui n'était qu'un roseau. Quand ils t'ont pris par la main, tu t'es rompu, et tu leur as percé toute l'épaule, et quand ils se sont appuyés sur toi, tu t'es cassé, et tu les as fait tomber à la renverse. C'est pourquoi, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, voici, je m'en vais faire venir l'épée sur toi, et j'exterminerai du milieu de toi les hommes et les bêtes. Et le pays d'Égypte sera en désolation et en désert, et ils sauront que je suis l'Éternel, parce que le roi d'Égypte a dit, les bras d'eau sont à moi, et je les ai faits. C'est pourquoi, voici, j'en veux à toi et à tes bras d'eau, et je réduirai le pays d'Égypte en désert de sécheresse et de désolation, depuis la tour de Sienne jusqu'aux marches de Chu. Nul pied d'homme ne passera par là, et il n'y passera non plus aucun pied de bête, et elle sera 40 ans sans être habitée. Car je réduirai le pays d'Égypte en désolation entre les pays désolés, et ses villes entre les villes réduites en désert, elles seront en désolation durant 40 ans, je disperserai les Égyptiens parmi les nations, et je les répandrai parmi les pays. Toutefois, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, au bout de 40 ans je ramasserai les Égyptiens d'entre les peuples parmi lesquels ils auront été dispersés. Et je ramènerai les captifs d'Égypte, et les ferai retourner au pays de Patro, au pays de leur extraction, mais ils seront là un royaume abaissé. Il sera le plus bas des royaumes, et il ne s'élèvera plus au-dessus des nations, et je le diminuerai, afin qu'il ne domine point sur les nations. Et il ne sera plus l'assurance de la maison d'Israël, les faisant souvenir de leur iniquité, quand les enfants d'Israël regardaient après eux, et ils sauront, que je suis le Seigneur, l'Éternel. Et il arriva la 27e année, au premier jour du premier mois, que la parole de l'Éternel me fut adressée, en disant, « Fils d'homme, Nebuchadnetsar, roi de Babylone, a fait servir son armée dans un service pénible contre Tyr. Tout étant né devenu chauve, et toute épaule en a été foulée, mais il n'a point eu de salaire, ni lui, ni son armée, à cause de Tyr, pour le service qu'il a fait contre elle. C'est pourquoi, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, voici, je m'en vais donner à Nebuchadnetsar roi de Babylone, le pays d'Égypte, et il en enlèvera la multitude, il en emportera le butin, et en fera le pillage, et ce sera là le salaire de son armée. Pour le salaire de l'ouvrage auquel il a servi contre Tyr, je lui ai donné le pays d'Égypte, parce qu'ils ont travaillé pour moi, dit le Seigneur, l'Éternel. En ce jour-là je ferai germer la corne de la maison d'Israël, et j'ouvrirai ta bouche au milieu d'eux, et ils sauront que je suis l'Éternel.